est complètement sorti du champ gauche. Martin Saint-Louis a été nommé entraîneur-chef et choyé d'avoir un ancien coéquipier de Martin Saint-Louis, André Roy, qui est avec nous. André Roy, qu'on a connu avec le Lightning et les Sénateurs d'Ottawa. Salut, André! Salut! André, ça va, Dan? Ça va bien, ça va bien. Je vais te dire, moi, complètement surpris. Écoute, je suis autant surpris que la fois que Mario Tremblay avait été nommé coach du Canadien. C'est à peu près pareil. J'avais les mêmes. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles ce que Patrick Roy avait dit quand il avait su que c'était Mario, c'était le coach. J'avais à peu près la même réaction que Patrick. C'est sûr que ça a surpris bien du monde, tu sais. Son nom était même pas mentionné vraiment nulle part, tu sais, c'est ça. J'aurais peut-être pas été surpris que Martin aboutisse à quelque part dans la Ligue nationale ailleurs que Montréal. Qui arrive à Montréal, c'est vraiment wow, là, tu sais, fait que... Parce que il y avait... Les rumeurs, c'était plus Benoît Groulx, Patrick Roy... Moi, c'était mon choix, puis c'est encore mon... Ouais. Je trouve ça un petit peu dommage pour... Parce que Benoît, écoute, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, ça fait longtemps qu'il est dans le junior. Moi, mon choix, je vais te dire, là, puis c'est encore mon choix, là, c'était Benoît Groulx avec un genre de Rick Bowness, tu sais, un entraîneur adjoint là, qui a beaucoup de millage comme entraîneur-chef, un Lindy Ruff, tu sais, quelqu'un qui est capable... Jacques Martin. Jacques Martin, dans ce genre-là, Rick Bowness, tu sais, ça aurait été ça, mon... Ouais, ah, c'est sûr, Benoît Groulx, écoute, c'est un excellent entraîneur, tout le monde le dit. Je suis sûr qu'il va avoir sa chance un moment donné. Je peux pas croire qu'il va continuer à être ignoré, mais c'est sûr que ça, je pense que ça aurait été un excellent choix aussi, Benoît Groulx. Il y avait Pascal Vincent aussi, qui est d'un mineur, qui essaye de monter. Guy Boucher, un peu, son nom qui a été mentionné, mais écoute, Martin, c'est sûr qu'il avait une bonne relation avec Kent Hughes, puis... Jeff Gorton, je pense, ils connaissent l'individu tout et ils se sont parlé, mais tu sais, Martin, j'y ai parlé un petit peu rapidement quand c'est arrivé, ben j'étais comme pas sûr, je dis c'est une joke, je vais l'appeler. il était en route pour Montréal, ben c'est avant la conférence de presse, tu sais, fait que là, il me dit ça fait longtemps qu'il pense puis qu'il se prépare puis toi, regarde beaucoup. Quand tu étais son coéquipier, c'est-tu quelque chose qu'il avait envisagé? Il en avait-tu parlé dans le temps? Ouais, Martin, il a dit qu'il aimerait ça être dans le hockey. Quand il parlait, il disait après sa carrière d'hockeyeur, il voudrait rester soit directeur général, coaching, je pense. Il l'a fait tout de suite avec ses gars, puis il était sur la glace. J'avais déjà vu des vidéos de lui qui roulait des pratiques avec les jeunes, puis il avait des airs de Tortorella un peu, fait que... c'est ça. D'après moi, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Ça s'est pas fait, je pense, en deux appels. Là. Ils ont dû s'en parler même l'année d'avant. Tu sais, sûrement, je sais pas, là, peut-être pas là, avec Kent Hughes, c'était pas nommé, mais c'est sûrement quelque chose qu'il a partagé avec ce monde-là. Puis ils l'ont lancé de même, puis il a dit « ouais ». Est-ce que moi, je me mets dans la peau, là? Je me mets dans la peau de... Tu sais, le gars, il a pas... Je veux pas mal parler, il n'y a pas d'expérience comme coaching. Oui, c'est un grand joueur, c'est ça, je remets pas en doute du tout ça, c'est un Hall of Fame. Sauf que dans le contexte d'aujourd'hui, j'entendais les gens dire, quand ils vont parler de Martin Saint-Louis, ça va être, les gens vont l'écouter, je suis bien d'accord avec ça, mais est-ce que, s'il fait des erreurs, s'il son manque d'expérience, maintenant ça va paraître son manque d'expérience, est-ce que ça va être partagé, ça va être pardonné, je te pose la question. Ouais, je pense, tu sais, il reste quoi, 35 matchs, là, d'ici à la fin de l'année, tu sais, lui, je pense, ce qu'il veut faire, c'est qu'il va arriver ici, tu sais, il a parlé de pas vraiment mettre un système de jeu, comme il disait, il croyait pas au système, c'était plus de mettre des stratégies, des techniques, là, si tu veux, je sais pas si c'était un peu le même, mais lui, c'est plus de jaser les gars, filer à la chambre, donner son point de vue. Laisser les gars s'exprimer. C'est sûr qu'il y a un manque d'expérience, mais c'est un gars qui comme je te dis, il est resté connecté à la game. Il a regardé beaucoup, beaucoup de matchs. Il parlait avec encore bien du monde des dirigeants, des anciens dans la ligue, tu sais, un peu. Il a même donné, tu sais, il a travaillé un petit peu avec Columbus. Ouais. Tu sais, je pense qu'il va emmener son expérience de 1100 plus matchs dans la ligue comme joueur. Il va l'amener comme... essayer d'amener ça comme entraîneur. C'est ça. La game a changé, c'est des jeunes, c'est des nouveaux. T'sais, c'est une nouvelle mentalité, mettons, des années que lui jouait, puis moi, mettons. Mais je pense que il va essayer d'amener son approche. Il a sa façon de voir les choses, une théorie différente, puis c'est ça qu'il nous partageait. C'est à long terme qu'on va le voir. Là, t'sais, déjà hier, OK, c'est normal, là, quand il y a un changement d'entraîneur, le premier match qu'il a coaché, t'sais, 44 lancés, ont quand même été plus engagés, je trouve, les gars. Il shotait, il était plus impliqué, puis c'est ça qu'il veut. Il va essayer d'inculquer ça, tu sais, une game rapide, les gars agressifs sur le porteur de la rondelle, puis essayer de créer des choses. Fait que, mais tu sais, on va voir, je pense, à c'est long sûr. Terme. Ça peut pas faire. T'es sûr que ça peut pas faire. C'est sûr, c'est pas faire pire cette aile, là, gars. Puis c'est triste pour Dominique Ducharme, André, parce que tu me diras ce que. Tu sais, Dominique Ducharme, il était à mauvaise place au mauvais moment. Je parlais avec Buster tantôt, puis il disait, c'est sûr que Carey Price, mêlé de l'année, mêlé dans le but, puis il y a peut-être des chances que le Canadien ait plus de points, peut-être. Ouais. Peut-être. Ah non, c'est sûr, mettons là, que Joel Edmundston, il est là, Shea Weber est là, Price est là, ils ont commencé l'année. Petrie, il boude pas parce qu'ils sont tous là avec. Tu sais, Petrie, il joue pas comme il devrait depuis bien longtemps, fait que... Comme tu dis, Ducharme, c'est pas de sa faute, il n'y avait pas d'effectif. La COVID, tout le kit, là, mais c'est sûr qu'il a encore sa job si tous ces gars-là sont dans le line-up. Je suis convainc. Même Corey Perry, là, ça a l'air de rien, ça a marché. C'est un gars très, très vocal qui aidait les jeunes. Ils aurait dû essayer de le locker même avant qu'il s'en aille l'été. Il offrait un contrat tout de suite, peut-être, mais bon. C'est pour ça, des vétérans, ils en ont perdu beaucoup, puis ça a affecté, je pense, bien du monde dans le vestiaire, puis les jeunes. Puis ça va être très difficile pour le Canadien les prochaines années, là, because beaucoup de choses, tu sais, les attirer un agent libre, regarde, l'équipe s'en va pas dans le haut. Il y a la COVID, moi je pense que ça fait très mal, là, parce que, moi, en affaires, c'est toutes des jeunes familles avec beaucoup d'argent. Là. Voir des restaurants fermés, voir de ce qui s'est passé, puis tu vas voir à Las Vegas, tu vas voir partout, un peu partout, c'est sa vie normalement. Comment tu fais pour attirer un joueur autonome avec de prestige? Donc ça va être très difficile les prochaines années à Montréal. Là. Ça, il n'y a aucun doute, ça c'est sûr. Écoute, avec dans tout le monde, le Québec, il y a bien du monde qui rit de notre province. Ben oui, que, moi le premier. Tout ce qu'on a fait face, les couvre-feux, les joueurs se disent. Ce que Jeff Petrie et Carey Price, les femmes ont dit, là, ça se dit à travers la Ligue nationale. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est poche pour la famille. Ben souvent, les gars sont sur la route, eux autres sont prêts à la maison, peuvent pas aller nulle part, tout est fermé, tu sais. Fait que c'est sûr. Puis là, c'est sûr qu'au Canada, au Québec, les impôts, c'est payé. Puis toutes ces affaires-là, c'est tough à aller chercher des joueurs, tu sais. C'est sûr. Fait que espérons que, tu sais, peut-être le fait que c'est Martin, mais je sais pas s'il va être là l'an prochain, mais. Des gars de même, ça va aider. André, merci beaucoup. Plaisir de se parler. J'aimerais essayer de te reparler de temps à autre, si tu permets. Ouais, ben tu me laisseras savoir. Là, je vais essayer de me libérer de ma cédule chargée. Ok, quand j'ai le temps, voilà. Donc, l'ancien coéquipier de Martin Saint-Louis, André Roy.